Alors, il est presque 18h, moins quelques bosons et quelques électrons, et Futur Simple se poursuit sur le thème de l'environnement, accompagné de Pierre-Olivier Desmarchais, toujours à l'affût de, en fait, en matière de législation environnementale. Bonjour Pierre-Olivier. Bonjour. Alors, peut-être tu pourrais commencer par nous dire en quoi consiste le travail du commissaire au développement durable. Oui, alors j'ai décidé ce soir là, de vous faire ma chronique sur le rapport du commissaire qui a été déposé hier matin à l'Assemblée nationale. Alors, il a présenté ses travaux qu'il a effectués au cours de la dernière année en publiant son rapport sur, sur l'application de la loi du développement durable par le gouvernement et aux procédures, aux moyens employés par les ministères pour mettre en œuvre les objectifs du développement durable. Alors, mais pour simplifier un peu les choses, les travaux du commissaire, visent essentiellement à évaluer l'approche utilisée par les entités publiques comme les ministères pour mettre en œuvre les politiques, les programmes, les actions, essentiellement, je dirais, en matière environnementale, mais également pour gérer le risque par rapport le risque environnemental au Québec. Alors, c'est important de le souligner, François, le commissaire ne fait pas de politique. Il ne juge pas les choix qui sont faits au niveau des décideurs, ni le contenu des lois, des règlements. D'ailleurs, étant donné que le commissaire relève du vérificateur général, alors il faut savoir que leur mandat est de renseigner l'Assemblée nationale, donc les députés qui sont élus, sur, dans le cas du développement durable là, pour le commissaire. Alors, comme j'allais le dire, parce que tu m'as tiré les mots de la bouche, si je comprends bien, le commissaire fait en quelque sorte une certaine vérification, finalement. Oui, exactement. En fait, un peu comme le vérificateur général, c'est ça qui... mais lui, il va se concentrer seulement sur l'application que le gouvernement fait de la loi sur le développement durable. Oui, c'est ça, exactement. Donc, il a fait son rapport sur la manière dont le gouvernement applique la loi. Et, en fait, qu'est-ce que dit ce rapport, précisément? Oui, alors, les principaux sujets qui ont été visés par le rapport du commissaire hier, on retrouve la gouvernance de l'eau, la production d'eau potable, l'assainissement des eaux usées, ainsi que les programmes d'aide financière aux municipalités. Okay. Alors, d'entrée de jeu, dans son rapport, le commissaire souligne que plus de 9 milliards de dollars ont été investis par les autorités québécoises dans les infrastructures relatives à l'eau depuis la fin des années 70. Et tout en rappelant l'historique de la gouvernance de l'eau au Québec, avec par exemple la mise sur pied de la commission Beauchamp à la fin des années 90, dont l'objectif était de formuler des recommandations sur une éventuelle politique nationale dans le domaine de l'eau, le rapport indique qu'il n'y a pas de cadre de gestion qui précise en fait l'ensemble des orientations gouvernementales actuelles en matière de gestion de l'eau, alors que cela est essentiel en fait pour assurer du moins une certaine cohérence des actions entre les divers intervenants dans le domaine. Et cela même si la politique nationale de l'eau a été adoptée en 2002. Est-ce que c'est une lacune qui est grave à ton avis? Ben, en fait, c'est que, disons que le commissaire est là pour rappeler que les politiques, c'est pas juste d'adopter des politiques ou de les présenter, il faut également les mettre en œuvre. Puis il faut pas que ce soit rien de l'improvisation, mais il faut aussi qu'il y ait Exactement. Oui, c'est ça. Donc, lorsque le gouvernement, il y a une certaine responsabilité derrière tout ça, le gouvernement doit, bien entendu, rendre des comptes lorsqu'il présente des politiques. Et est-ce qu'il n'y avait pas une loi qui... Oui, c'est ça, exactement. Une ressource collective aussi? La loi affirmant le caractère collectif, des ressources en eau qui est en vigueur depuis 2009 au Québec, eh bien, selon le commissaire, elle n'a pas permis de réorienter, d'intégrer, de systématiser, en fait, le droit de l'eau. OK. Les informations, les enjeux, les préoccupations colligées dans les plans directeurs de l'eau des bassins versants ne sont toujours pas pris en compte dans les documents de planification de l'aménagement du territoire. Alors, sur ce point, le commissaire soutient, par exemple, que le ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs ne connaît pas le taux d'application des actions associées au plan directeur d'eau des bassins versants. Pour ce même ministère, il est également pointé du doigt par l'équipe du commissaire pour n'avoir en fait aucune base de connaissances consolidée permettant d'avoir un portrait global, si on veut, de la ressource en eau et de ses écosystèmes aquatiques, afin, bien entendu, de la gérer efficacement, de réduire les risques et de bien connaître les enjeux qui y sont associés. Tout à fait. D'ailleurs, le commissaire souligne les avancées modestes du Bureau des connaissances sur l'eau qui existe depuis 4 ans et dont le mandat, je le rappellerai, est de développer des connaissances relatives aux eaux souterraines du territoire québécois. Ce qui me paraît drôlement important par les temps qui courent, mais bon, surtout par rapport au gaz de schiste. Oui, c'est exactement. Alors, toujours concernant la gouvernance de l'eau, le commissaire souligne que le ministère des Affaires municipales, cette fois, ne possède pas de portrait global de l'état des infrastructures municipales relatives à l'eau. Ainsi, c'est la question, comment le ministère peut-il planifier adéquatement les investissements futurs dans ces infrastructures? Et donc, quand on comprend que la gestion des sources d'eau potable est déficiente, en fait, est-ce que la situation est meilleure du côté du traitement des eaux usées? Oui, bien, en fait, pour l'assainissement, oui, des eaux usées, le commissaire mentionne que la protection des milieux récepteurs et le maintien des usages de l'eau ne sont pas assurés par les mesures mises en œuvre par le ministère du Développement durable et le ministère des Affaires municipales pour encadrer les rejets d'eau usée dans le secteur municipal. Alors, par exemple, le rapport indique que l'absence de traitement et de désinfection des eaux usées dans les municipalités ciblées, si je ne me trompe pas, il y en a eu 39 dans le rapport. Dont Montréal, probablement. Je n'ai pas trouvé le nom des municipalités dans le rapport. J'ai cherché pour savoir si, par exemple, Québec était ciblé, mais je n'ai pas eu cette information. Alors, donc l'absence, c'est ça, de traitement et de désinfection des eaux usées dans les municipalités ciblées ou encore l'absence d'évaluation de la toxicité des rejets sont des problématiques récurrentes malgré, bien entendu, la volonté exprimée encore une fois par le gouvernement en 2002 dans sa politique nationale de l'eau. Alors, fait intéressant, le commissaire soutient également que de nombreuses municipalités ne respectent pas leurs obligations en matière de suivi. Et cela à plusieurs reprises. D'ailleurs, le ministère des Affaires municipales ne vérifie pas non plus la fiabilité ni l'intégralité des informations qui lui sont transmises par les municipalités. Alors, pour terminer, si on veut, sur la gouvernance de l'eau, j'inviterai également les auditeurs qui sont intéressés à se rendre sur le site du vérificateur pour prendre connaissance plus en détail du rapport. Et j'aimerais juste mentionner qu'il y avait également un autre chapitre sur, par exemple, la production d'eau potable. OK. Et pour terminer, est-ce que le rapport dit quelque chose à propos de l'exploration et de l'exploitation des ressources minières? Oui, c'est ce qui est intéressant avec les rapports du commissaire au développement durable, c'est qu'il revient souvent sur des anciennes vérifications qu'il a faites dans le passé pour vérifier si, justement, les ministères ou les on fait quelque chose. Oui, exactement, on suivi ces recommandations. Ouais. Donc, dans le rapport d'hier, il est revenu sur une vérification qu'il avait effectuée en 2008-2009 sur la gestion du secteur minier. Alors, on se doute un peu du résultat. Alors, à l'époque, la vérification visait à déterminer dans quelle mesure, en fait, le ministère des Ressources naturelles intégrait les enjeux économiques, sociaux et environnementaux, donc les piliers du développement durable, dans la planification des interventions du gouvernement relatives au secteur minier, et surtout afin de vérifier si cette planification permettait d'optimiser les retombées pour la société dans une perspective à long terme, donc pour les générations futures. Alors, le commissaire avait également analysé les mécanismes de contrôle mis en place par le ministère afin de minimiser les conséquences environnementales de ce domaine. Alors, dans le rapport qui a été publié hier matin, le commissaire mentionne d'emblée que le ministère des Ressources naturelles n'a toujours pas effectué d'analyse des principaux coûts et bénéfices liés à l'exploitation minière. Alors, tu auras compris que sans un tel calcul, il est pratiquement impossible d'établir la véritable valeur économique pour le Québec du développement, par exemple, du Nord. Stratégie qu'on nous vend depuis, peut-être quelques années, puis qui a quand même été très présente dans la dernière élection et qui risque de l'être aussi, je pense, dans la prochaine. Alors, quant au mécanisme visant à s'assurer que les sites miniers soit restauré et réaménagé à la suite d'une exploitation qui a été le fléau des dernières décennies. Pas rien qu'au Québec, ça, c'est au Canada. Ah non, c'est mondial. Je pense que, oui, là-dessus. D'ailleurs, je pense que les minières ont fondé leur réputation sur ça, de partir une fois que tout était terminé. Alors, le commissaire, sur cet aspect-là, souligne qu'aucune modification n'a été apportée jusqu'à maintenant à la réglementation. Mais bon, sur ce point, je vous dirais qu'on attend d'un mois à l'autre là, le dépôt du nouveau projet de loi sur les mines par la ministre Ouellette, qui devrait sans doute régler cet aspect-là de la loi qui est déficient. Quand elle en parle, là. Oui, exactement. Mm-hmm. Je pense que même le gouvernement d'avant voulait également s'assurer que les minières ne seraient pas en mesure, bref, d'exiger des garanties assez importantes là, pour s'assurer que tous les coûts allait permettre le réaménagement du site. C'est fait. Alors, sur ce point, le commissaire rappelle que le passif environnemental du gouvernement lié au site orphelin contaminé s'élève à tout près de 1,2 milliard de dollars. Ce qui est quand même pas une somme négligeable. Non, c'est ça. Puis ça serait intéressant de savoir si dans le budget annuel, je veux dire, si le ministère des Finances en prend en compte, parce que ça a quand même une valeur économique. Donc, peut-être pour terminer, c'était sans doute le dernier rapport du commissaire avant, parce que cette année, 2013, le gouvernement doit rendre des comptes sur l'application de la loi sur le développement durable. Donc, il est supposé d'avoir des comptes rendus qui devraient être publiés par le ministère du développement durable au cours de l'année, mais je pense qu'on a ciblé à avril. Alors, ce serait intéressant de voir comment que cette loi-là a des impacts au sein des ministères, de la prise de décision, et également sur la stratégie de développement durable du gouvernement. Donc, d'avoir certains résultats, voir si on est dans la bonne direction ou pas, ou si en réalité on n'a peut-être pas évolué depuis... cette loi-là est en vigueur depuis 2006. Là, donc, voir si... On fait bien les choses ou que c'est bien géré. Et je pense qu'aussi, pour terminer, pour conclure, en fait, on pourrait dire que, avant de conclure que, en fait, l'industrie minière crée de la richesse, il faudrait peut-être aussi regarder le passif, là, qui est présentement 1,2 milliard de dollars. À long terme, je ne sais pas effectivement si les bénéfices... Oui, exactement. Je pense que c'est un enjeu assez important de ne pas juste parler de l'argent que ça va générer en termes de redevances, par exemple l'exploitation du Nord, mais combien ça va nous coûter, ça? La restauration des sites. Exactement. Puis on sait que c'est pas éternel, hein. C'est des ressources qui ne sont pas renouvelables, puis que, bon, à un moment donné, on aura bien terminé avec le Nord. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Alors, plaisir. Merci pour ces explications. Alors, on va faire une courte pause musicale et on vous revient tout de suite après avec Bruno Gaillet.